Le comité préparatoire pour la journée de la brillante étoile est constitué à la succursale du littoral maritime de l'Organisation sociale des vétérans de toute la Russie, Amitié militante de Russie. Il a décidé d'organiser des cérémonies politiques et culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits du général Kim Jong-il. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité préparatoire national d'Ouganda pour la journée de la brillante étoile a eu lieu au siège du comité exécutif national ougandais du mouvement panafricain.